poulpe, des crocos et du dodo. Les pieuvres et les autres céphalopodes rêvent-ils? On aurait tendance à le croire quand on regarde ces films dans lesquels on voit les animaux avoir des mouvements spasmodiques et changer de couleur et de texture de façon aléatoire. Mais d'ailleurs, quand et pourquoi rêve-t-on? Vaste question sur laquelle nos connaissances évoluent, notamment grâce à la collaboration des rêveurs lucides. Et enfin, un crocodile bipède qui court sur les berges des rivières avec le sang chaud. C'est une photographie des origines de cette espèce qui a bien évolué depuis son apparition il y a plus de 200 millions d'années. Des poulpes, des crocos et du dodo, donc c'est le programme onirico-animal qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour rêver la science ensemble, enfin éviter de trop rêver, surtout si vous nous écoutez en voiture, j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus la fine fleur de la vulgarisation scientifique française, mesdames et messieurs, Cécile Lestienne. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, Philippe Pageot, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde. Rédacteur en chef du trimestriel La Recherche, et nous sommes en ligne avec Pierre Kerner. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes et tous. Auteur de Moi Parasite chez Belin et du blog Strange Stuff and Funky Things. Tous se sont évidemment munis de leur grille de bingo spéciale La Méthode Scientifique. Je vous le rappelle, grâce aux camarades, une croix. Aris Adamantiadis, il y a un bingo en deux grilles que vous pouvez remplir en écoutant les émissions. Les trois premières grilles qui nous sont renvoyées avec au moins une ligne remplie dans les deux grilles gagnent un exemplaire dédicacé de l'espace. Bink, une deuxième croix, qui est d'ailleurs le prix ciel l'espace du livre d'astronomie 2021. On va le rappeler, la grille, vous pouvez la télécharger sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Elle aussi a la peau qui change étrangement de couleur lorsqu'elle est en sommeil paradoxal. J'attends toujours les résultats de ses analyses ADN, c'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et allez, on reprend son sérieux pour ce journal des sciences qui commence avec une étude parue hier dans la revue Nature Climate Change. Le dérèglement climatique a déjà des conséquences sur la production alimentaire mondiale. Oui, le dérèglement climatique n'est pas un problème lointain qui ne concernerait que les générations de demain. Une équipe américaine a développé un nouveau modèle qui prend en compte des données météorologiques et qui examine la productivité agricole avec ou sans les effets du changement climatique. Alors selon ce papier, le changement climatique a ralenti la croissance de la production agricole mondiale. Depuis 1961, elle a ralenti d'environ 21%. C'est encore plus grave dans les régions plus chaudes, l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes voient une réduction de leur productivité de 26 à 34%. Alors certes, des progrès technologiques ont su augmenter les rendements, mais malgré cela, aujourd'hui, nous cultivons moins de nourriture que dans les années 60. Plus d'inondations, plus de sécheresses, l'agriculture mondiale devient de plus en plus vulnérable aux effets météorologiques. Selon les auteurs de cette étude, ces préoccupations sont sérieuses. Ils rappellent qu'en 2050, il faudra nourrir près de 10 milliards de personnes. En bref, selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Science, l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures serait aussi à l'origine de la création de la forêt amazonienne. Et une équipe internationale a analysé 50 000 échantillons de pollen et 6 000 feuilles fossilisées qui proviennent de Colombie et qui datent de la période du Crétacé et du Paléocène, soit avant et après l'impact de l'astéroïde il y a 66 millions d'années. Alors selon les chercheurs, à la veille de l'impact, la végétation était essentiellement constituée de fougères et de conifères. La chute de cet astéroïde a provoqué un bouleversement écologique majeur. Il a d'une part exterminé les grands dinosaures herbivores et d'autre part, les cendres provoquées par cette explosion ont peut-être servi d'engrais pour créer un sol riche en nutriments, ce qui a favorisé le développement des plantes à fleurs et des forêts tropicales telles que nous les connaissons aujourd'hui. On poursuit ce journal avec le deuxième sujet du jour. Selon une étude parue dans la revue Nature Astronomy, nous avons peut-être détecté un trou noir de taille moyenne. Et dans la famille des trous noirs, vous avez les petits trous noirs de masse stellaire, de 10 fois à 100 fois la masse du Soleil, et vous avez les trous noirs supermassifs, de 100 000 fois la masse du Soleil, et qui sont au cœur des galaxies. Entre les deux, il y a les trous noirs de masse intermédiaire, et ces objets restent insaisissables. Comme par définition, un trou noir ne peut pas s'observer directement, une équipe australienne a utilisé l'effet de lentille gravitationnelle pour en détecter. Une lentille gravitationnelle, c'est lorsqu'un objet très massif courbe le chemin de la lumière vers la Terre. Les chercheurs ont donc examiné les données de 2700 sursauts gamma et ils ont découvert une preuve, un exemple de lentille gravitationnelle sur l'un de ces sursauts gamma. Sa lumière aurait été déformée par un objet sombre et 55 000 fois plus massif que le Soleil. Ce n'est pas encore sûr à 100% qu'il s'agisse d'un trou noir de taille moyenne, mais c'est l'hypothèse la plus probable. Vous avez reçu un mail, Natacha, par ailleurs. Oui, direct. Et cette semaine, dans le journal des sciences, nous avons parlé du risque de surmortalité provoqué par la saturation des hôpitaux, ce qui n'est pas drôle du tout. Allez, on se reprend un peu de sérieux. Donc, nous avons parlé cette semaine de ce risque de surmortalité provoqué par la saturation des hôpitaux, de la découverte du kit de survie génétique des cancers du sein, de la découverte d'un nouveau type de lymphocyte, de l'efficacité des anticorps du SARS-CoV-2 contre les variants anglais et sud-africains, et également dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, dans le cadre de la mission Persévérance sur Mars, la NASA vient d'annoncer que l'hélicoptère Ingenuity est prêt pour son premier vol d'essai. Le 8 avril au plus tôt, le petit robot devrait faire un vol sur place de 30 secondes jusqu'à 3 mètres de haut. L'opération sera filmée par le rover. Il s'agit surtout de tester les conditions de vol dans des pressions atmosphériques bien inférieures à celles que l'on connaît sur Terre. Ce sera le premier vol propulsé sur une autre planète. Cette semaine, une bonne nouvelle, en 2020, le nombre d'ours dans les Pyrénées a augmenté. Dans cette région, ces dernières années, la population de cette espèce protégée ne cesse de progresser. En 1995, il n'était qu'une dizaine. En 2020, on compte 64 ours, dont 16 oursons. Et enfin, cette semaine, nous avons enfin compris pourquoi le froid fait mal aux dents. Si manger un sorbet vous est douloureux, c'est à cause d'une protéine, la protéine TRPC5. Après 10 ans de recherche, les scientifiques ont découvert que ce sont les cellules odontoblastes et cette protéine qui réagissent au froid. Selon eux, il suffirait de bloquer cette TRPC5 pour inhiber ces douleurs dentaires. Et on termine comme tous les vendredis par la rubrique de science improbable. Selon une étude parue dans PNAS, Natacha, nous possédons toutes et tous des gènes pour produire du venin. Oui, l'espèce humaine possède les mêmes gènes que les vipères. Les gènes qui régulent nos glandes salivaires sont les mêmes que celles qui permettent aux serpents de produire des toxines. C'est la découverte inattendue d'une équipe américaine. Les chercheurs s'intéressaient aux origines de la production du venin et ont d'abord analysé le génome d'une vipère. Ils ont identifié 3000 gènes impliqués dans ce qu'ils appellent le réseau métavénome, qui régule le système de venin. Et ils ont ensuite découvert que les mammifères possèdent aussi ce réseau, sauf qu'il ne produit que de la salive non venimeuse. Avoir le potentiel génétique pour fabriquer du venin, cela laisse tout de même songeur. Nous avons le langage pour produire du venin, Natacha, c'est bien pire. Merci beaucoup pour ce journal des sciences. On va faire un peu le tour de cette actualité scientifique de la semaine avec mes camarades et confrères Cécile Lestienne, Philippe Pajot et Pierre Kerner. D'abord, peut-être réaction libre sur l'actualité de la semaine, également bien sûr l'évolution peut-être de la pandémie, Cécile Lestienne. J'ai bien vu que c'était à moi que vous me donnez la parole. Oui, voilà. C'est ça. Mais c'est plus compliqué de ce que je peux dire. Je trouve que c'est fascinant à la fois ce qu'on apprend tous les jours sur le virus, les variants de virus, comment ça marche, la réaction de notre système immunitaire, les vaccins et tout ça. Et en même temps, voilà, au niveau social, ça devient un petit peu fatigant. Mais On a beaucoup entendu, c'est intéressant, ce sera le sujet des idées claires de la semaine prochaine, ressurgir cette notion de dictature sanitaire. Est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, la politique qui est menée depuis un an en France, c'est le fait d'une prise du pouvoir des médecins sur la société ou des scientifiques? Il y a peut-être pas mal de confusion quand même autour de ça. Alors, oui, enfin, dictature sanitaire, moi j'ai toujours un petit peu de mal quand on parle de dictature, parce qu'il y a quelques pays où il y a des dictatures qui sont tout à fait d'un autre ordre. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ici en Europe il y a une dictature, ça me paraît quand même très difficile. Mais oui, évidemment, c'est difficile. Quelles sont les bonnes décisions à prendre? C'est extrêmement difficile, vu qu'il n'y a pas une bonne solution et des mauvaises, il n'y a que des compromis. Voilà, on a toujours envie évidemment de faire mieux, on a envie de distribuer des bons et des mauvais points parce que c'est humain. Et en même temps, je suis persuadée que on ne pourra vraiment faire le bilan de cette pandémie que dans quelques temps, voilà, oui, quand on aura fait vraiment le point et qu'il y aura eu des études aussi qui auront montré qu'est-ce qu'on a gagné et perdu dans cette histoire. Philippe Pageot, sur l'actualité scientifique en règle générale. Il y a cet élément tout de même à propos d'études, moi qui me semble assez important à relever dans la semaine. Il en a été question dans le Journal des Sciences cette semaine. C'est justement ce fameux risque de surmortalité qui est provoqué par la saturation des hôpitaux. Évidemment, quand tous les services sont saturés, le risque de mortalité est un peu plus élevé. Et donc, c'est peut-être un coin, en tout cas, dans cette prise de risque, dans ce pari, comme on a pu l'entendre, de maintenir une courbe de contamination assez haute. Ça se paye à un moment donné, même si les services ne sont pas encore totalement saturés. Oui, là, c'est clairement les soignants qui sont en première ligne. Et il y a cette question de savoir si, en déprogrammant et en réduisant la surveillance d'autres maladies chroniques, on ne va pas créer une surmortalité pire. Et ça, comme disait Cécile, pour l'instant, on ne le sait pas. Le bilan pourra être fait après. Sur la chose intéressante qu'on pourra faire aussi, c'est que comme il y a eu énormément de décisions de différentes prises selon les différents pays, on pourra aussi comparer, mais peut-être sans doute a posteriori, quelle a été la meilleure décision. Mais c'est un peu difficile à dire dès maintenant. Et peut-être une remarque sur le trou noir intermédiaire, ça m'intéresse, ouais, m'intéresse beaucoup, là, qui est cette espèce de chaînon manquant entre les trous noirs classiques stellaires et les trous noirs supermassifs au centre de galaxies. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que il y avait quelques candidats de trous noirs intermédiaires depuis quelques années. C'est que là, on a vraiment statistiquement, c'est significatif d'une part, et d'autre part, ça a été fait sur des données anciennes. C'est des données qui ont été utilisées, c'est des données qui datent de 1990 à 2000, donc qui ont été faites prises par un satellite qui a analysé des sources gamma. Et donc, moi, je trouve ça remarquable qu'on fasse encore des découvertes aujourd'hui sur des données qui ont maintenant plus de 20 ans. Voilà. Donc, il faut pas toujours se jeter sur les instruments nouveaux. Il y a des choses à faire encore avec d'anciennes données. Oui. Et puis c'est intéressant parce que c'est le deuxième indice, puisqu'on avait déjà suspecté l'existence d'un trou noir intermédiaire grâce aux ondes gravitationnelles par la fusion de deux trous noirs de masse, justement, qui n'étaient ni, qui n'étaient pas des trous noirs de masse stellaire, en tout cas. Voilà. Alors, oui. Et puis, le record actuel, en fait, de trous noirs un petit peu pour lequel on est sûr que ça existe, c'est 142 masses solaires, effectivement. Donc, c'est au-delà de ce qu'on qualifie de trou noir stellaire, mais c'est pas encore du trou noir intermédiaire qui est plutôt dans le domaine 10 000, 100 000 masses solaires. Et là, c'est vraiment un indice fort. Pierre Carner, sur l'actualité scientifique de la semaine. Alors moi, ce qui m'a intéressé, bien entendu, c'est votre chronique d'improbabologie sur les humains qui auraient des gènes qui soutiennent la production de venin oral. Donc j'ai regardé cet article qui est fort intéressant, donc la caractérisation d'un réseau génétique de 3000 gènes qui présente ce qu'on appelle dans le milieu une homologie profonde dans le contrôle des sécrétions salivaires, et donc qui serait partagé entre une vipère et d'autres mammifères humains compris. Ce que je trouve que peut-être un petit peu capillotracté dans ce qu'on peut en conclure, c'est que on pourrait imaginer qu'après des humains puissent évoluer à avoir une salive toxique. Alors des mammifères qui produisent une salive qui justement est toxique et donc venimeuse, ça existe. Il y a notamment des solénodons, certaines sortes de musaraignes qui ont ce genre de salive toxique. Après, c'est pas parce qu'on partage des gènes qui sont une sorte d'outils qui permettent de faire des choses remarquables au cours de l'évolution que ça va nécessairement se produire. En gros, ce qu'a prouvé cet article, c'est qu'il n'y a pas d'impossibilité à ce que dans des milliers de générations, certaines nouvelles espèces de mammifères, nous inclus, soient venimeuses. Mais de là à titrer, on va avoir des humains venimeux, Bon, voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y en a déjà beaucoup et on n'a pas besoin de salive. Mais on va passer à nos trois dossiers du jour tout de suite. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h15, premier dossier donc, ici, et à notre grand regret, donc non seulement nous n'allons pas devenir venimeux dans les prochaines, ni dans les prochains mois, ni dans les prochaines dizaines de milliers d'années, il n'y a pas non plus de mini-poulpe dans une météorite âgée de 500 millions d'années, comme nous vous l'annoncions hier, 1er avril, dans le journal des sciences, donc les poulpes, jusqu'à preuve du contraire, ne viennent pas encore de l'espace, même si on aimerait bien. Néanmoins, il est très probable que les poulpes rêvent, et ça c'est attesté. On va tout de suite vous reposter cette magnifique vidéo assez touchante, je trouve, de ce poulpe au sommeil, et dont on voit les couleurs et la granularité de la peau changer. Et si les poulpes rêvent, Pierre Carner, l'histoire ne dit pas encore tout à fait à quoi ils rêvent. Tout à fait. Dans la nouvelle qui allait inspirer le film Blade Runner, Philip K. Dick se demandait si les androïdes rêvent de moutons électriques. Ça y est, vous pouvez cocher une case du bingo. Dans un univers parallèle, il aurait pu renouer avec la tradition Lovecraftienne, encore une case, et s'interroger sur le contenu des songes de créatures à l'apparence de poulpes. Mais dans notre monde bien concret, il s'avère que nous ne savons pas ou très peu de choses sur le sommeil des céphalopodes, et encore moins sur leur capacité à rêver. Et donc, comme vous le disiez, les amateurs de documentaires animaliers se souviendront peut-être que récemment, en octobre 2019 pour être précis, la chaîne américaine PBS avait diffusé un extrait de son programme surnommé Octopus Making Contact, où le professeur de biologie David Scheele, professeur de biologie marine de l'université alaskienne du Pacifique, adoptait une pieuvre femelle de l'espèce Octopus cyanea, je crois que c'est encore une case, ça, dans un grand aquarium. Non mais donnez pas toutes les indices, c'est trop. Qui se débrouille un peu tout seul quand même. Je vous laisse poursuivre, Pierre. C'est parce que je joue en même temps. C'est ça. Oui, mais vous avez déjà un exemplaire dédicacé, vous n'avez pas le volé aux auditrices et aux auditeurs. Merci. Bon, bref. Allez. Dans l'extrait en question, on voyait justement cette petite pieuvre qui est surnommée Heidi et qui se repose dans un coin de son aquarium, les yeux rentrés dans ses orbites. Et soudain, comme vous l'avez décrit, elle semble prise de tremblements, de petits spasmes. Sa peau change rapidement de couleur et de texture et donne la vivace impression d'être plongée dans un rêve particulièrement animé. Et d'ailleurs, il y a d'autres vidéos similaires, comme une qui a été filmée par Rebecca Otey dans un zoo au Colorado. Hein. Le piège un peu, Pierre, là-dedans, c'est comme toujours celui de l'anthropomorphisme. On a très Exactement. Envie de voir une pieuvre rêver, on n'est pas du tout sûr que ce soit pas bien, juste des réactions nerveuses comme ça, aléatoires. Par contre, on le fait à raison quand on voit, nous, ce comportement chez des petits bébés ou même chez nos animaux domestiques qui couinent, miaulent ou aboient durant leur sommeil. Maintenant, on a à l'heure actuelle des preuves qu'il s'agit bel et bien de phases du sommeil paradoxal dans lequel il y a des rêves. Cependant, dans l'extrait, David Scheele, lui, reste prudent et nous invite à patienter pour que des études scientifiques soient menées afin de déterminer si les pieuvres sont bel et bien capables de rêver. Eh bien, le 25 mars dernier, paraissait dans la revue iScience une étude menée par des chercheurs brésiliens qui explore justement ce curieux phénomène. Mais avant de s'embarquer d'ailleurs en quête du contenu des expériences oniriques de céphalopodes, il faut d'abord se demander s'ils dorment. Un des premiers réflexes des savants, c'est alors de prospecter leur état cérébral chez ces animaux, chez qui ils vont essayer de caractériser un état de sommeil. Mais alors autant le cerveau des mammifères, voire des vertébrés, présente suffisamment de similitudes avec le nôtre pour qu'une comparaison semble possible, autant les 9 ganglions nerveux principaux chez les pieuvres, hein, je vous rappelle qu'il y en a un dans la tête et un qui contrôle chaque bras, eh bien là, ça offre peu de rapprochements anatomiques possibles avec notre encéphale. D'ailleurs, dans une de mes chroniques pour Podcast Science, j'avais cherché à me renseigner sur les protocoles déployés par les éthologues pour déterminer si des animaux éloignés de nous en termes de parenté étaient capables de dormir. Et j'avais découvert à l'occasion que des chercheurs ont proposé de donner des caractéristiques essentielles au sommeil. Et aussi, aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde à définir 3 éléments clés de l'état physiologique du sommeil. 1. C'est l'activité physique et physiologique pendant cet état qui sont restreintes, ça paraît logique. Hein. Deuxième caractéristique, c'est que la vitesse de réponse à un stimuli externe est altérée quand l'animal est plongé dans cet état. Mmh. Et enfin, si on prive l'animal de cet état physiologique, il fonctionne moins bien et aura besoin de passer plus de temps dans cette disposition pour compenser le manque, preuve que le sommeil est nécessaire au bon fonctionnement de l'animal. Mmh. C'est intéressant. On en discutera certainement. On va faire un crossover entre votre chronique et celle de Philippe Pageot, parce qu'il est justement question du sommeil et du rêve chez l'être humain et de la fonction du rêve pour comprendre la conscience. Je vous laisse poursuivre parce que je crois que vous allez nous parler d'un outil dont j'aime beaucoup le nom qui s'appelle l'insominator, Pierre. Exactement. C'est un outil. Parce que on a bien ces 3 critères, mais comment les tester sur des animaux? Alors, pour des abeilles, les chercheurs ont créé ce qu'ils ont appelé l'insominator, un agitateur magnétique destiné à perturber le repos des abeilles. Dans une autre expérience, ils ont utilisé un aquarium équipé de jets d'eau pour contrarier la tranquillité des méduses. Tout ça pour pouvoir justement arriver à l'état des faits d'aujourd'hui où la communauté scientifique s'accorde à considérer que le sommeil est une caractéristique ancestrale chez tous les animaux, même ceux, comme les méduses, qui ne possèdent pas de cerveau à proprement dit. Et donc, chez les céphalopodes, ce même type d'expérience a été mené et on sait aujourd'hui que la propension à roupiller est bien présente chez des pieuvres comme Octopus vulgaris en 2011 ou même une sèche, Sepia officinalis, en 2012. Donc on a le sommeil, maintenant reste à savoir si dans le sommeil, on a effectivement quelque chose qui s'apparenterait à du rêve. Exactement. Donc, en somme, si vous me passez l'expression, l'état dans lequel était plongée Heidi, la pieuvre, pouvait vraisemblablement être de la somnolence. Mais pourquoi cette activité de peau et de tremblement des bras? Alors, du coup, pour comprendre ça, il faut savoir dans quelle phase a lieu les rêves chez nous. C'est une phase qu'on appelle une activité cérébrale proche de celle pouvant être enregistrée chez l'individu éveillé, mais qui a lieu pendant le sommeil, d'où le nom que lui a donné Michel Jouvet de sommeil paradoxal. Et les anglophones, eux, lui préfèrent la terminologie de rapid eye movement sleep, sommeil à mouvement oculaire rapide, en référence au tressaillement exercé par nos yeux durant cette phase de sommeil, qui correspond à nos fameuses phases de rêve. Donc ça, on va voir que c'est très remis en question en tout cas chez l'homme, que justement le sommeil paradoxal et le rêve ne sont plus tout à fait associés de la même façon, mais ce sera la prochaine chronique. Je vous laisse poursuivre, Pierre. Pas de souci. Mais du coup, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a différentes phases de sommeil, dont une avec ses caractéristiques physiologiques et anatomiques et associé probablement à des phases de rêve. Et du coup, c'est là où on en revient à notre étude brésilienne qui a investigué ce phénomène, les phases de sommeil, chez 4 spécimens de pieuvres de l'espèce Octopus insularis capturés dans les eaux tropicales de la plage du Búzios, près de Rio de Janeiro. Et après 10 jours d'acclimatation, dans de grands aquariums séparés, les 3 femelles et le mâle ont été filmés jour et nuit durant 4 jours complets pour documenter le moindre de leurs roupillons. Cela a permis notamment aux chercheurs de classer leur comportement en plusieurs catégories, notamment ceux où les poulpes étaient inactifs, ce qui nous intéresse maintenant, et donc ils ont réalisé une catégorisation assez intéressante. Donc lorsque les pieuvres étaient tranquilles, elles présentaient 5 variations caractéristiques de leur état de quiescence. Il y a un état serein avec les pupilles des yeux bien ouvertes, le même état mais les yeux fermés tout en arborant une peau de couleur pâle, un mix des deux avec un seul œil ouvert, et enfin les 2 états qui nous intéressent le plus, à savoir le premier état avec des yeux fermés mais mobiles et la peau et les bras parcourus de tressaillement et de changement de couleur, les fameux exemples de tressaillement qu'on a vu dans ces petites vidéos. Je suis Natacha. Je ne juge pas, ça je n'étais pas en studio, je ne peux pas savoir. Et mon préféré, c'est celui où la pieuvre prend l'apparence d'un dessert vanille-chocolat, avec la partie gauche totalement blanche, la partie droite totalement noire, et puis après, cette coloration change brusquement de côté. Un état que les chercheurs ont surnommé « calme moite-moite », je trouve ce surnom c'est génial. Ouais. Et donc, pour s'assurer qu'il s'agissait d'un état de sommeil, nos éthologues ont procédé à la partie expérimentale de leur travail, et donc mesuré le seuil d'excitabilité des pieuvres en fonction de leur état. Alors, pour comprendre, c'est tout simplement diffuser des vidéos de crabes, le mets le plus appétissant pour les pieuvres, ou marteler plus ou moins fort la paroi de l'aquarium avec des marteaux en caoutchouc. Et donc, pour les chercheurs brésiliens, les réactions des pieuvres permettent de conforter l'hypothèse de 2 phases cycliques du sommeil, un sommeil lent et un sommeil agité. Et ensuite, ils ont mesuré le temps de chaque état et quantifié le nombre de passages cycliques entre un état vers un autre, ce qui nous permet de savoir que lorsqu'elles dorment, les pieuvres de cette espèce sont surtout plongées dans de longues sessions de sommeil calme, d'environ 6 minutes, interrompues de manière récurrente par de courts épisodes de sommeil actif, et ce, dans des boucles répétées toutes les 30 à 40 minutes. Donc les courts épisodes de sommeil actif, c'est environ 10 à 40 secondes, quoi. C'est pas très long. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut penser de tous ces résultats, Pierre ? Bah oui, dans cette étude, là, l'équipe de Rio semble avoir démontré que durant leur sommeil, les pieuvres de l'espèce Octopus insularis passent par des phases semblables à du sommeil paradoxal caractéristique de celui des oiseaux ou des mammifères. D'ailleurs, les phases calmes moite-moite, c'est mes préférées, pourraient même être rapprochées aux phases d'hémisommeil dont font l'expérience certains oiseaux, comme les martinets ou les cétacés. Oui, ou même les canards qui ne dorment que d'un œil, en fait. Exactement, c'est cela. Et ça leur permet, en fait, de reposer un seul de leurs hémisphères cérébraux à la fois. On ne sait pas encore si c'est le cas chez les pieuvres, mais en tout cas, les ressemblances sont troublantes. Par contre, il ne s'agit pas du premier invertébré chez qui on a caractérisé un état de sommeil paradoxal. Notamment, les études qui ont été faites chez la seiche montrent qu'il y a véritablement, probablement, une phase de sommeil paradoxal chez ces animaux-là. La seule astuce ici, c'est que l'équipe brésilienne a bel et bien testé que c'était une phase qui correspondait à du sommeil, parce qu'elles étaient très peu réactives aux stimuli externes à cette époque-là. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'elles sont en train de rêver ? C'est ça. Et selon Sylvia Alima de Sousa Medeiros, l'étudiante qui a mené l'essentiel des expériences de l'étude, il est peu probable que l'expérience que vivent les pieuvres ressemble à nos rêves à nous, emplis d'intrigues symboliques complexes. En fait, si le sommeil actif chez la pieuvre, ayant une durée très limitée, correspond à des rêves, alors ce seraient des rêves qui ressemblent à des petits vidéoclips, voire à des gifs animés, en termes de durée. Bon, c'est pas fifou, quoi. Rêver en gif, en même temps, je trouve ça intéressant, c'est très contemporain. C'est efficace. Ouais. Mais moi, ce que je trouve personnellement de plus remarquable dans cette étude, c'est la répartition de cette capacité de sommeil paradoxal à travers le règne animal. On l'aura compris, plusieurs espèces de céphalopodes seraient sujets à ces phases de sommeil paradoxal, ce qui rentre par contre en contraste avec les capacités testées chez des gastéropodes comme l'aplysie ou la limnée, qui sont des proches parents des céphalopodes et chez qui on a observé des phases de sommeil ternes, calmes et d'un seul bloc. Mmh. Par contre, il y a une très récente étude publiée dans la revue Current Biology, là en février 2021, qui semble avoir caractérisé des épisodes de sommeil paradoxal chez une mouche, chez la mouche du vinaigre. Et l'étude y est ici poussée à son paraxysme car l'équipe australienne qui l'a réalisée a été capable de caractériser l'activité des neurones individuels de leur mouche durant ces épisodes. Vous dire à savoir si on sait qu'elles sont capables de sommeil paradoxal et peut-être de rêve. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Si des animaux qui sont aussi éloignés en termes de parenté qu'un humain, une mouche et un poulpe partagent cet état actif de sommeil, ça suggère qu'il y a une forte sélection de pression évolutive pour une telle acquisition qui serait faite de manière indépendante au cours de l'évolution. Et ça pose la question de l'avantage évolutif d'avoir son sommeil interrompu par ces péripéties oniriques. Du coup, l'hypothèse la plus en vogue aujourd'hui, c'est que ce serait un élément important dans les processus cognitifs, comme par exemple la mémoire. Et c'est une des pistes de recherche que va mener l'équipe brésilienne en comparant l'apparence de la peau de leurs sujets octopédiens lorsqu'ils apprennent une nouvelle tâche, comme ouvrir un bocal dans lequel est piégé un crabe, et celle qu'ils pourraient avoir plus tard, justement, dans ces phases de sommeil. Est-ce que ce serait similaire ? Et voir aussi perturber ces phases de sommeil pour voir l'impact que ça a sur justement l'apprentissage de ces tâches. Mmh. Donc voilà, on sait peut-être que maintenant les rêves, les poulpes, s'ils rêvent, rêvent de gifs animés et peut-être de gifs animés de crabes électriques. Et encore une référence à Philippe Cadic. Merci beaucoup Pierre. Un mot évidemment Philippe là-dessus puisque c'est le dossier, l'un des dossiers de ce numéro de la recherche trimestrielle qui sort la semaine prochaine. Oui, alors effectivement, là il y a des recoupements forts, mais ce qui est encore... je trouve complètement étonnant, c'est que finalement, chez l'humain encore, le rêve et le sommeil présentent énormément de caractéristiques mystérieuses. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas du tout complètement compris. Et je viens revenir, effectivement, de cette association sommeil paradoxal rêve, c'est quelque chose qui est bien discuté. Et on va en parler dans un instant, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès sur la connaissance du rêve, sur la compréhension du rêve. On a cassé pas mal d'idées reçues aussi. Ce qui est intéressant, Cécile, on en avait déjà parlé, on est à peu près sûr, donc, comme vient de le confirmer Pierre pour les céphalopodes, mais que d'autres espèces, que le rêve effectivement a été conservé dans l'évolution, qu'il est utile, qu'il est même indispensable à la survie des espèces. Absolument, comme le sommeil tout court, ça, on ne sait pas exactement en fait vraiment pourquoi on dort et on voit bien qu'il y a une pression de sélection très forte puisque c'est partagé par toutes les lignées animales et on se demande un peu quelle est cette pression vu que ça serait tellement bien de ne pas dormir. Non, me dites pas ça, moi. On gagnerait beaucoup de temps, Nicolas, quand même. Non, mais... Et vous voyez bien que. Qu'est-ce que c'est que ce mythe de l'efficacité, Cécile, où il faudrait être efficace 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas du tout. Moi, je suis content de dormir. Je suis très heureux quand je me réveille après une nuit de 10 heures. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'on en a besoin, comme on le sait. On ne peut pas vivre sans dormir. C'est ça. Puis surtout après les semaines, dites donc, là, en ce moment, 10 heures de sommeil, ça fait pas de mal. Hein. Contradiction. l'enfance de Léopold qu'on refond, toboggan, en fourchette, en cuvette, à chiottes, en bout tout en manchette, ce que vous voulez, mais son visage fier. Les voitures brûlent et tournent sur leur cadre, c'est normal. Nous rassurera, est-ce qu'il a fumé, ça m'excite. Les papilles, tu m'as pris ma bouche, je me tais, je t'en laisse. On cuit des saucissons, les kiosques en feu. Couché sur leur sang, et tu attrapes ma queue. Familière de Burns, j'imagine, BRNS, voilà comment ça se prononce, à 16h31 sur France Culture, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Après avoir parlé du rêve chez les poulpes avec Pierre Kerner, eh bien, il n'y a qu'un pas pour parler des rêves humains avec Philippe Pageot. D'ailleurs, passer des rêves de poules pour rêves humains, ça ne passe pas nécessairement par la casque Toulouse, contrairement à ce que les auditeurs et les auditrices habitués de la méthode scientifique pourraient penser. Le nouveau numéro, en tout cas, Philippe, trimestriel de la recherche qui sort jeudi prochain, le numéro d'avril-juin, est consacré à la conscience, à tous ces états, et donc aux états de conscience altérés, au sommeil, au rêve lucide, le rêve lucide qui est effectivement quelque chose d'important pour permettre de comprendre ces mécaniques du rêve, comment ils s'établissent et à quoi ils servent. Alors effectivement, il n'y a pas que les poulpes qui rêvent, il n'y a pas que les mammifères. Est-ce que vous rêvez, Nicolas ? Beaucoup. Énormément. Voilà. Moi, je suis plutôt de ceux qui se réveillent fatigués parce qu'ils ont trop rêvé la nuit. Trop rêvé, ouais. Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle effectivement, c'est une caractéristique qu'on appelle l'hyper-onirisme. C'est des gens qui sont épuisés au réveil. Ça m'arrive assez souvent. Et Cécile aussi, vous rêvez... Oui, je rêve beaucoup. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est complètement universel. Vous êtes avec deux gens fatigués tout le temps. C'est ça. Chez les humains. Universel, mais variable. En fait, effectivement, il y a une forte variabilité dans les capacités des individus à se souvenir spontanément de ces songes. Donc, il y a votre cas de l'hyper-onirisme. Il y a des gens qui, à l'inverse, font des rêves blancs, en fait. Il y a C'est particulier, c'est quoi exactement les rêves blancs? Il y a des gens qui rêvent, mais pas, en fait, pas de choses. C'est une sensation de conscience sans contenu, un peu comme de la méditation, en quelque sorte. Et ça, on le sait, alors, parce qu'on a interrogé des gens. Puis là, il y a des banques de rêves, en fait, qui contiennent énormément de rapports de rêves. Il y a une qui s'appelle le Dream Bank, où il y a 20 000 rêves. Et là, ça montre effectivement cette variabilité, cette diversité fantastique. D'ailleurs, il y a des rêves qui peuvent être tout à fait sur le plan fantastique, au sens fantasy, science-fiction. Il y a des rêves qui peuvent être uniques, des rêves qui peuvent être récurrents, qui revenir. Il y a ces rêves blancs dont je parlais. Donc, c'est quelque chose de très qui commence à être étudié de plus en plus. L'analyse de ces rêves, en fait, autorise l'étude des contenus de la conscience. Alors, certains contenus engendrés, c'est-à-dire les contenus engendrés par un cerveau déconnecté de son environnement externe et qui permet justement d'étudier ce qu'on appelle les corrélats neuronaux de la conscience, hein, ce mot un peu barbare, ça veut dire les changements qui se produisent effectivement en même temps que la prise de conscience. Hein. Et il y a des gens qui se plaignent de ne jamais rêver. Est-ce que c'est possible de ne pas rêver ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de rêve? Alors il y a des gens qui déclarent ne jamais rêver, effectivement. Alors après, on va y revenir. Effectivement, il y a différentes... je vais revenir un petit peu sur l'histoire, sur la manière dont c'est fait, mais il y a des gens qui déclarent ça. Donc, petit rappel historique, hein, comment effectivement, avant les poulpes, on a quand même étudié d'abord le rêve humain. Le rêve humain, donc les premiers enregistrements de ces ce qu'on appelle les ondes du cerveau datent des années 30. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une phase qu'on appelait les ondes lentes, le sommeil lent en quelque sorte, une sorte de ralentissement des rythmes du cerveau associé en fait à une perte de conscience et à l'endormissement. Et c'est en 53 qu'on découvre une autre phase, une autre forme de sommeil, avec une activité cérébrale atypique, comme le disait Pierre tout à l'heure, une activité proche de l'éveil, et liée à des mouvements oculaires un petit peu rapides, un peu désordonnés, d'où le nom, en fait, dans le monde anglo-saxon, qui est REM, Rapid Eye Movement, et c'est effectivement Michel Jouvet qui les nomme sommeil paradoxal dans les années 60. Alors pourquoi on associe le sommeil paradoxal au rêve, ouais, habituellement? Bah, tout simplement qu'on réveille un dormeur dans cette phase, il rapporte souvent des rêves riches et complexes. Si bien qu'il y a eu cette association pendant longtemps, à la fois dans le grand public, parce que c'est quelque chose qu'on fait spontanément, mais également dans la littérature scientifique, hein, d'associer, en fait, d'utiliser de manière interchangeable rêve et sommeil paradoxal. En fait, c'est pas si simple. Oui, c'est ça. Moi, on m'a appris, j'ai le souvenir dans mes études scientifiques il y a longtemps, qu'on ne rêvait qu'en sommeil paradoxal. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Alors, l'identité, justement, entre sommeil paradoxal et sommeil rêvé est remis en cause aujourd'hui, et une manière de le voir, c'est par des expériences. Donc, c'est des expériences qui ont été faites par Francesca Ciclari à l'hôpital de Lausanne, l'hôpital universitaire de Lausanne. C'est une grande spécialiste et une grande équipe spécialiste des rêves. En fait, ils prennent des dormeurs qui réveillent aléatoirement au cours de la nuit, et 90% des réveils en sommeil paradoxal, ils rapportent avoir eu des rêves, mais 50% des gens qui sont réveillés en sommeil lent ont également des souvenirs de rêve. Voilà. Rapportent également des rêves. Donc, c'est pas si clair que ça. Et, 90% pour le sommeil paradoxal. Oui, alors, c'est ça. Voilà. Donc, c'est quand même une association forte, mais, dans le sommeil lent, dans les ondes lentes, il se produit aussi un phénomène. Du coup, ce que ont cherché les neuroscientifiques, c'est une sorte de nouvelle signature neuronale du rêve, hein, et ce qu'ils ont trouvé, c'est que lorsque le sommeil s'allège dans les régimes, dans les régions cérébrales clés, en fait, il y a l'émergence d'un flux de conscience sous forme de rêve. Donc c'est des travaux qui dépassent cette opposition entre sommeil paradoxal et sommeil lent. Et le rêve, du coup, serait plutôt l'expression d'une sorte d'éveil local dans certaines régions du cerveau et pas une transition globale à l'échelle de tout le cerveau. Donc on a longtemps dit que le siège du rêve dans le cerveau, c'était le cortex préfrontal. Et bien justement, avant, c'est raté. C'est plus ça. Ça a changé. C'est parti. Voilà, changé. Le cortex préfrontal était très très souvent associé justement à la conscience durant l'éveil, et maintenant en fait, on pense que le cortex préfrontal serait justement davantage impliqué dans les manipulations des représentations conscientes plutôt que dans leur émergence. Et du coup, il y aurait un rôle central maintenant, on pense, des aires corticales postérieures, donc à l'arrière du cerveau, dans l'établissement des rêves, cette conscience d'éveil et également des rêves. Alors, comment on fait aujourd'hui, du coup, Philippe, pour analyser les rêves? C'est évidemment très compliqué parce que, il faut réveiller les gens, donc c'est compliqué. Que dormir dans une IRM, on va dire que c'est grosso modo impossible vu le boucan que ça fait, ou alors il faut être lourdement sédaté ou quelqu'un en rêve pas. Ouais. Bref, c'est difficile d'étudier les rêves. Oui, alors justement, il y a une catégorie de rêveurs qui est extrêmement intéressante, appelée les rêveurs lucides. Donc, c'est les rêveurs particuliers qui se caractérisent par la prise de conscience de ce propre songe. En fait, c'est des gens qui savent qu'ils rêvent. Quand ils sont en train de rêver, ils disent, je suis en train de rêver, voilà. On se réveille au milieu du rêve. Ça m'arrive plusieurs fois. Voilà, c'est très surprenant. Voilà. Et parfois, on peut même prendre le contrôle. Oui. Des gens qui peuvent prendre le contrôle dans leur rêve, sur des scénarios, sur l'environnement. On est en plein dans Inception. Alors, je sais pas si je case une case. Je crois pas qu'il y ait Christopher Nolan dans le bingo, non? Voilà. Inception. Non, enfin, Nicolas Martin raconte une anecdote gênante à propos de lui. En revanche, ça, vous pouvez coucher. Voilà. Comment est-ce qu'on travaille avec ces rêveurs lucides? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur le rêve? Donc, il y a des nouvelles expériences qui ont montré que ces rêves, on pouvait communiquer avec certains rêveurs lucides. Et du coup, pour étudier l'activité du cerveau pendant les rêves. Alors d'abord, un rêveur lucide, il y en a beaucoup. Vous m'avez dit que vous avez déjà fait. Ça m'est arrivé quelques fois. À peu près 50% de la population aurait déjà fait un rêve lucide. Mais il y aurait 1% de la population seulement qui fait des rêves lucides fréquemment. Et donc, on appelle ça des rêveurs lucides expérimentés. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille. Et alors, d'abord, comment c'est qu'ils existent? Parce que, il faut quand même qu'on ait une sorte de preuve. Et ça date de la fin des années 80. En fait, on avait bardé des rêveurs lucides de capteurs et on a demandé à leur sujet, lorsqu'ils étaient conscients de rêver, de balayer la scène de leurs yeux de droite à gauche. Parce que les yeux, contrairement au reste du corps, ne sont pas paralysés durant le rêve, en fait. Et ça a été vu sur des capteurs. Donc ça, c'était la preuve que les rêveurs lucides existaient et qu'ils étaient capables de faire ces sortes de télégrammes, d'envoyer ces signaux vers l'extérieur. Hello, je suis en train de rêver, je le sais, coucou. Mais à l'inverse, donc, les expériences très récentes ont montré qu'on pourrait utiliser cette capacité de rêveurs lucides pour leur transmettre des choses dans leur sommeil. C'est une sorte de communication à double sens. Et personne jusqu'ici n'avait tenté ça. C'est extrêmement étonnant. Alors que pourtant, on sait bien qu'on n'est pas isolé pendant qu'on dort, hein, puisque vous avez tous entendu une sorte de... On perçoit l'extérieur. Un réveil qui sonne, une alarme. Quand vous réveillez avec la radio, de temps en temps, vous intégrez des éléments de la radio. Exactement, tout à fait. Et du coup, ça, c'est une manip que décrit Emma Chabani, qui a soutenu sa thèse sur le sujet très récemment. Donc, le service de pathologie du sommeil de la Salpêtrière, c'est dirigé par Isabelle Arnulf, une grande spécialiste de sommeil. Et donc, ils ont pris un rêveur lucide expérimenté, donc il fait 4 ou 5 rêves lucides par semaine. Et au début, ils ont fait la même chose que ce que je vous ai décrit au début. Ils attendaient qu'il s'endorme, mais ensuite, qu'il signale son état de lucidité avec le code oculaire. Et ensuite, Donc c'est là que ça devient très nouveau et très novateur. C'est qu'ils ont, procédé à des stimulations sensorielles variées, tapotements sur le dos de la main, questions ouvertes ou fermées. Par exemple, parles-tu espagnol ? Par lesquels le rêveur pouvait répondre par oui ou par non. Alors maintenant, il faut savoir comme, s'il a dit oui. Comment il répond le rêveur? Et ben voilà, sans le réveiller en fait, parce que le problème du rêve lucide, c'est qu'il y a un moment donné. Évidemment, sans le réveiller. Et donc en fait, il s'était entendu avant sur une sorte de code, un code corporel, hein, qui dénombrait par exemple les tapotements sur la main en fronçant les sourcils, un froncement de sourcils particulier pour dire non, des petits sourires pour dire oui. Et le résultat est assez étonnant, c'est qu'il a réagi et répondu à la plupart des questions et des simulations durant deux siestes. Donc quelque chose. D'accord. Et au réveil, il a raconté son expérience et était capable de dénombrer les tapotements sur sa main en fronçant les sourcils au milieu d'un combat qu'il menait avec des gobelins. Mm-hmm. Donc voilà, il avait entendu les questions sur, par exemple, sur s'il parlait espagnol ou pas, au milieu d'une fête foraine dans laquelle il percevait l'expérimentateur qui posait la question comme une sorte de commentateur d'un documentaire auquel il assistait. D'accord. Voilà. Et du coup, ces communications, elles permettent d'établir quoi scientifiquement? Comment est-ce que du coup ça aide les scientifiques, Philippe? Alors pour l'instant, c'est déjà le résultat. Ce résultat est déjà très pionnier et vraiment complètement novateur. Je soulignerais que des expériences similaires ont été menées à peu près conjointement aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et la chose remarquable, c'est qu'au lieu de se tirer la bourre, puisque c'était quasiment en même temps, ils n'ont pas publié des papiers différents. Ils se sont mis ensemble. Ils ont publié un seul gros papier. Donc la collaboration scientifique à l'œuvre internationale, une publication commune où ils ont testé. Donc du coup là, je parle de toutes les recherches qui ont été menées ces dernières années là-dessus. 36 personnes en fait, 36 rêveurs lucides, et la communication à double sens a pu être établie avec 6 personnes. Donc ça marche pas à tous les coups quand même. Hein, c'est quand même. Ça reste une petite cohorte. C'est une petite cohorte, mais ça reste quand même remarquable. C'est un papier qui est publié dans Current Biology ce mois-ci. Hein, donc c'est vraiment. C'est tout récent. Ouais. Alors à quoi ça sert? Donc ça, c'est évidemment la question. Donc mieux comprendre la conscience endormie, hein, ça vous l'avez compris. Et il y a des idées comme quoi le rêve favorise la créativité. Créativité et l'apprentissage. Et donc il y a des manips qui commencent à être menées actuellement, en fait. Qui, par exemple, des tâches qu'on est incapable de faire quand on est réveillé, on essaie de les faire à des rêveurs lucides quand ils sont endormis et voir s'ils y arrivent mieux ou pas. C'est-à-dire quel type de tâches, par exemple? Alors, je sais pas. D'accord. Ok. En tout cas, donner des, voilà. D'accord, des espèces voilà. De tâches aux rêveurs lucides qui, rappelons-le, peuvent sont en général en mesure de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de leurs rêves. Voilà. Et ce qui est quand même remarquable, c'est quand même la raison profonde. Alors, je sais qu'il y a des raisons évolutives de pour qu'on rêve. Finalement, elle est encore inconnue. Et ça fait rêver. Ça fait rêver. Cécile, une réaction à toutes ces expériences. Et c'est vrai que c'est un matériau difficile d'étude, le rêve par essence. Oui, absolument, mais ça fait rêver, donc vous avez peut-être raison, Nicolas, c'est peut-être bien de dormir. Non, je pense que c'est la période qu'on a vécue. Je sais qu'il y a plusieurs études que je n'ai pas encore fouillées, mais qui sont sorties là récemment sur les rêves pendant la période Covid. Voilà, comment cette période très singulière que nous vivons a influencé le type de rêve qu'avaient les gens, et le résultat va être intéressant. Oui, tout à fait. J'ai vu passer ces études-là, et c'est plutôt ça va plutôt dans le sens de rêves un peu anxieux et de prédominance de cauchemars. En même temps, on aurait pu prévoir. C'est vraiment surprenant si vous faites que des rêves positifs depuis un an, c'est que peut-être bien vous êtes immunisé, je ne sais pas, à l'air du temps, et tant mieux. Un mot peut-être également, Pierre, par rapport à ce que vous avez bien raconté tout à l'heure et sur vos travaux autour du rêve des poulpes, est-ce que ça fait écho avec ce que vient de dire Philippe Pageot? Oui. Tout à fait. Il y a, à vrai dire, je m'aperçois à quel point il est compliqué de faire des études sur les rêves chez l'espèce humaine, mais ça l'est beaucoup moins pour d'autres espèces de mammifères qui nous sont proches, et notamment en 2012, dans un papier qui est paru dans Nature Neuroscience, il y avait des équipes de recherche qui avaient été capables de manipuler les rêves de rats en excitant certaines zones de leur cerveau pour pouvoir réactiver certains réseaux neuronaux impliqués dans la mémoire pour pouvoir justement altérer les rêves. Donc je me dis que ça se trouve dans un futur lointain, on pourra en savoir plus à travers ce genre d'expérience. Et il y a aussi des choses très intéressantes dans ce dossier, notamment le fait qu'aujourd'hui, il est quasiment possible de reconstituer en partie la nature des rêves avec de l'imagerie cérébrale. On peut déduire ce à quoi la personne est en train de rêver. On commence à pouvoir presque. Alors, ouais, c'est vraiment le, c'est le début. Tout début. Tout début, ouais. On ne peut pas encore complètement lire dans vos rêves, mais on peut avoir des indices sur la nature des choses auxquelles vous rêvez. Cécile ? Oui, non, juste ces études sur les rats et les souris étaient aussi... semblait montrer en tout cas qu'on pouvait implanter des faux souvenirs, chez les rats à travers à travers leur sommeil, justement. Donc ça laisse aussi ouvert plein de cauchemars possibles. C'est ça. C'est-à-dire que dans le futur, on vous implante des faux souvenirs et en plus, vous pouvez transmettre du venin quand vous mordez la personne d'à côté. On a vraiment un futur merveilleux devant nous. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h45, troisième dossier de cette table ronde d'actualité scientifique et de la recherche avec des crocodiles bipèdes qui courent à sang chaud. Et ce n'est pas un rêve, Cécile, pas du tout. C'est une réalité. C'est une réalité, enfin c'était une réalité en tout cas phylogénétique des ancêtres de nos actuels crocodiles des bords du Nil. Oui, absolument, et même ceux qui vivent ailleurs. Les crocodiles, les premiers naturalistes pensaient que c'était des gros lézards. D'ailleurs, quand on les regarde et quand on est profane comme nous, on peut penser que ce sont effectivement de gros lézards. Mais les naturalistes d'aujourd'hui, qui font de la phylogénie moléculaire, le classent pas du tout avec les lézards. Ce sont des cousins, certes, mais d'un autre embranchement, le taxon des archosaures, vous trouvez les crocodiles, plus largement les crocodiliens, c'est-à-dire les alligators et les gavials, voilà, les oiseaux et les dinosaures. Voilà. Donc, ce ne sont pas c'est un gros taxon. Un gros taxon, voilà, qui a été très varié, beaucoup plus varié qu'on pense aujourd'hui, parce qu'effectivement, les crocodiles aujourd'hui ont tous à peu près le même plan. Vous reconnaissez toujours un crocodile, voilà, comme cet animal qui vit à peu près partout de la même façon. Enfin, pas exactement, évidemment, mais une vie semi-aquatique, voilà. Il peut rester des heures à cacher à moitié dans l'eau, voilà, et sortir tout d'un coup pour mordre sa proie, et il la mord très, très, très, très, très, très fortement. J'étais déjà venue ici pour raconter les aventures de ces chercheurs américains qui avaient, au péril de leur vie, mesuré la force de morsure des crocodiles. Ouais. La pression au centimètre carré qui est très absolument plus importante énorme. Du règne animal. Ouais. Voilà. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais ces animaux, effectivement, sont particuliers. Une des choses que les anciens naturalistes avaient déjà remarqué, c'est la cheville du crocodile. Ouais. Ils ont une cheville particulière qui leur permet de marcher, pas sur la pointe des pieds, mais plus à plat. Et c'est en partie cette cheville qui leur permet de marcher. Ils ont deux types de locomotion, les crocodiles. Soit un peu comme les lézards, ils avancent quasiment en rampant. Voilà. Soit ils peuvent rabattre leurs pattes sous eux et marcher presque comme des mammifères. Donc voilà. Et c'est cette cheville-là avait depuis longtemps intrigué les naturalistes. Et dans les années 80, on a montré qu'effectivement, parmi les ancêtres du crocodile, qui vivaient il y a 250 millions d'années à peu près, il y avait des animaux qui étaient exclusivement terrestres, voilà, et qui marchaient, qui avaient une station, qui marchaient de façon bipède, un peu comme un T-Rex, si vous voulez, voilà, mais c'était des crocodiles. Et en fait, ces archosaures anciens, les ancêtres des crocodiles, se sont révélés beaucoup plus divers qu'on ne peut penser, et beaucoup plus divers qu'ils ne le sont en tout cas aujourd'hui. Vous aviez des crocodiles uniquement terrestres, des crocodiles uniquement marins, il y en a qui ressemblaient un peu à des dauphins, d'autres qui étaient des gros herbivores. On imagine mal aujourd'hui un crocodile herbivore. On avait et des carnivores qui couraient très vite. Oui. Ouais. Mais ça c'est vraiment le taxon supérieur de la famille des archosaures qui ensuite s'est scindé en deux, avec d'un côté les dinosaures, les oiseaux, et de l'autre côté ce qu'on appelle les pseudo-suchiens dont font partie les crocodiles. Qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment les choses se sont différenciées en fait? Justement, au fur et à mesure, c'est là qu'on s'est aperçu qu'à cette époque-là, après 250 millions d'années, il y avait vraiment beaucoup de variétés différentes. Et l'intérêt, c'était que il y a un papier assez récent, parce que dans cet article qui a été écrit par Hervé Le Guyader, hein, qui est un éminent biologiste, qui est chronique chez nous pour la science et spécialiste de l'évolution. Il rappelle donc que deux chercheurs anglais, Maximilian Stockdale et Michael Benton, qui sont à l'université de Bristol, voilà, se sont dit, ben, puisqu'on connaît assez bien en fait ces fossiles, hein, on les connaît bien aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils sont relativement différents, on peut se poser la question de est-ce que l'évolution des crocodiles obéit à l'hypothèse de la reine rouge, c'est ça, ou à l'hypothèse du fou du roi. Alors quelles sont, vous allez nous raconter ce que sont ces deux options, Cécile. Voilà. Alors l'hypothèse de la reine rouge, c'est le nom vient de la reine rouge d'Alice au pays des merveilles, hein, évidemment. C'est l'idée que une espèce doit évoluer en permanence pour maintenir son aptitude face aux autres espèces. En gros, c'est il faut courir toujours plus vite pour rester au même endroit. Avec ça, on s'attend à une évolution relativement graduelle et c'est lié souvent aux interactions avec les autres espèces vivantes. Proie, prédateur, compétition sexuelle ou parasitisme, ou mutualisme, enfin toutes ces relations que les êtres vivants ont avec d'autres êtres vivants. Voilà. L'hypothèse du fou du roi insiste plus sur une autre force évolutive qui est les modifications de l'environnement. Les changements climatiques, une grosse météorite qui passe, des volcans qui explosent. Voilà. Et entre 250 millions d'années et aujourd'hui, il y en a eu quelques-uns. Voilà, exactement. Quelques événements comme ça. Voilà. Et là, on se rapproche plutôt de forces évolutives qui amèneraient des sauts évolutifs, comme le disait déjà Stephen Jay Gould et Nicholas Eldredge dans les années 70. Voilà, il y aurait des moments où les espèces évoluent beaucoup et puis il y aurait des sortes de stases où ça évoluerait moins et voilà, ça s'appelle la théorie des équilibres ponctués à ce moment-là. Ils se sont dit, tiens, c'est peut-être avec ça, peut-être qu'on va pouvoir regarder. C'est les deux hypothèses d'ailleurs ne sont pas contradictoires en fait. Hein. Évidemment, une espèce peut être soumise à ces deux forces, mais voilà. Et donc, ils ont regardé comment ça se passait sur l'évolution des tailles des ancêtres des crocodiles d'aujourd'hui pour savoir comment ça se passait. Et effectivement, ils se sont aperçus que il y avait plutôt une dispersion, les tailles c'était plus homogène. Il y a à peu près 200 millions d'années, ce qui correspond déjà à une grosse période d'extinction. Une des extinctions massives. C'est la plus importante d'ailleurs. Ah voilà. 90% des espèces narines, 70% des espèces terrestres de mémoire. Puis il y a eu diversification beaucoup plus rapide. Il y a 65 millions d'années, voilà, il n'y a pas que les dinosaures qui ont disparu. Voilà, mais les ancêtres des crocodiles ont perdu pas mal d'espèces. Et il y a eu à nouveau une période évolutive assez forte vers 17-15 millions d'années, lorsqu'il y a eu un optimum climatique à l'époque. Et en fait, leur hypothèse, c'est que Il y a une liaison, en tout cas une corrélation, voilà, entre la chaleur et l'augmentation de la taille de ces ancêtres des crocodiles. Et donc, on serait plutôt du côté du fou du roi. D'accord. Voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que, en fonction effectivement de cette évolution l'environnement, les crocodiles ont adopté différents systèmes de régulation thermique, en l'occurrence. Ah. Plus exactement, ça pose la question de du sans froid, sans chaud. C'est ça. Les crocodiles d'aujourd'hui sont des animaux qu'on dit à sang froid. Alors c'est une appellation trompeuse, hein, parce qu'ils n'ont pas du tout le sang froid. En fait, elles sont chauds, mais ce sont les animaux qu'on dit aussi ectotherme, où la chaleur provient d'une source extérieure, là, le soleil notamment, la chaleur que peuvent rencontrer, à la différence des animaux qu'on dit endotherme, comme les mammifères, voilà, qui produisent leur propre chaleur. Et on a fait, on vous met le lien tout de suite, puisqu'on a fait une émission sur la thermorégulation il y a quelques semaines, donc ça vous cochez une croix de plus dans le bingo. Voilà, et puis j'ai peut-être écorché les noms latins, ça en fait deuxième. Voilà. Quelles sont les conclusions justement de l'évolution de ces crocodiles qui sont passés de l'endothermie à l'ectothermie et inversement. L'idée c'était que les ancêtres des crocodiles étaient effectivement poïques chilotherme, c'est l'autre nom qu'on dit pour ectotherme, qui disent que garde une certaine chaleur, mais qui vient de l'extérieur, et qu'ils en ont profité pour augmenter beaucoup leur taille au moment où il faisait chaud, parce que les animaux à sang froid grandissent tout au long de leur vie. Évidemment, ils grandissent moins en vieillissant, mais ils grandissent quand même tout au long de leur vie, contrairement à des animaux comme nous qui arrêtons notre croissance assez rapidement. Et c'est ce qui leur est permis de se diversifier. Donc, on n'en est quand même pas sûr, évidemment, comme d'habitude dans l'évolution. Voilà. Voilà. Ouais. Et notamment, il y a d'autres travaux, dont certains menés par Giorgi Kubo, qui travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, voilà, qui s'est penché sur les ancêtres des crocodiles et les archosaures, même au niveau un peu plus au-dessus, en faisant l'histologie osseuse, en regardant la structure des os, qui est assez semblable, enfin, qui donne des indices aux chercheurs pour pouvoir savoir s'ils avaient un métabolisme au repos élevé ou haut. Voilà. Et les animaux endothermes comme nous avons un métabolisme de base assez élevé parce que nous devons produire notre propre chaleur, alors que les animaux à sang froid, non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent, les crocodiles notamment, peuvent jeûner pendant des semaines hein, parce qu'ils ont moins besoin d'ingurgiter de calories pour vivre, simplement pour vivre. Voilà. Et en fait, en regardant ce qui s'est passé, il semblerait que les ancêtres des crocodiles d'aujourd'hui ont peut-être été homéothermes à un moment et seraient devenus animaux à sang froid un peu plus tard, en tout cas, puisqu'ils le sont aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, puisque d'habitude, on pense que ça ne peut pas se passer dans ce sens-là, ça va toujours dans l'autre sens. Les ancêtres à sang froid deviennent des animaux à sang chaud et pas dans ce sens-là. Donc voilà, donc il y avait probablement des gros reptiles monstrueux, gros bipèdes, qui mordaient très fort à sang chaud. Parce que les plus gros aujourd'hui font un peu plus de 6 mètres, hein. Une tonne quand même, hein. Le plus gros crocodile capturé aux Philippines, quand même un beau bestiau. Mais on connaît des ancêtres qui faisaient 12 mètres et 8 tonnes, hein. Ça commence à se rapprocher du T-Rex. C'est ça. C'est à lire dans le numéro pour la science du mois d'avril. Un dernier mot rapidement, Pierre Kerner, sur une autre actualité scientifique que vous auriez vue, dont vous auriez voulu parler avant que nous nous séparions. Je voulais justement rebondir sur cette étude, sur cet article sur la physiologie des crocodiles, pour dire qu'il y a une étude là qui est parue en janvier 2020 et qui a regardé la composition des dents de certains fossiles de crocodiles marins, mais qui ressemblent vraiment, il faut regarder ces images, donc on les appelle les télésauridés et les métriorhynchidés, et qui ont une apparence de dauphin et qui semblent avoir une composition de dents compatible avec l'homéothermie, c'est-à-dire avec un sang chaud. Noémie Naguet va tout de suite trouver une photo pour vous mettre sur le fil Twitter de l'émission. Vous allez pouvoir cocher une case de plus. Philippe Pajot, un mot pour conclure. Oui, alors c'est vrai qu'ils ont duré, ces crocodiliens, c'est remarquable, ils ont duré tellement longtemps depuis 250 millions d'années avec des évolutions qu'ils ont connues, avec une telle diversité, qu'ils ont connu des évolutions extraordinaires. Moi, je trouve ça, ce passage, ce changement est absolument étonnant. Merci beaucoup à tous les trois. La une de Pour la Science, Cécile, du mois d'avril. Eh bien, on y revient. Covid-19, la révolution des vaccins ARN. Philippe Pajot à la une du trimestriel La Recherche qui sort jeudi prochain, je crois. Donc, un gros dossier sur la conscience, mais également de l'astrophysique, de la physiologie, des maths et du photovoltaïque, plein de choses. C'est très complet. Pierre Kerner, les prochains billets sur votre blog. J'allais plutôt parler de Podcast Science. Podcast Science, bien sûr. Voilà, le prochain numéro sera un épisode spécial sur le bleu et je parlerai de la vraisemblance de la peau des schtroumpfs. Et ce sera quand, ça? C'est le prochain à sortir, je pense, dans la semaine prochaine. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Un mot pour vous dire que si vous êtes professeur du secondaire, du supérieur, que vous faites des podcasts justement vous-même, notamment en maths, en SVT, mais aussi en philo, en musique, en histoire, eh bien, France Culture ouvre un concours. On vous met les règles, vous avez jusqu'au 15 avril pour nous envoyer vos podcasts pour qu'ils soient diffusés sur la plateforme France Culture. On vous met tout ça sur le fil Twitter. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lezen, Noémie Naguet, Saint-Vulfran, Natacha Triou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Marie-Laure Roumabadi à la technique. Vous pouvez cocher une case de plus. La semaine prochaine, lundi, émission mensuelle sur le Covid. Nous parlerons des enfants et du Covid. Mardi, comment la Terre est passée d'une boule de magma liquide à une belle planète tempérée. Mercredi, nous parlerons des NFT, ces jetons non fongibles, ces œuvres numériques qui utilisent la blockchain. Jeudi, histoire du programme spatial russe. Et vendredi, ce sera un vendredi actu. Demain à 16h, c'est Étienne Klein. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.